Par le baptême, nous illustrons publiquement la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. À l'émission d'aujourd'hui, nous allons examiner le baptême selon le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de passer par les eaux du baptême? Nous verrons que c'est fondamentalement une question d'obéissance à Dieu. De nombreuses personnes ne s'arrêtent jamais pour réfléchir à l'importance de cette question. Elles ne comprennent pas la signification du baptême. Celui-ci n'a donc pas d'importance à leurs yeux. Bien que le baptême ne soit pas essentiel au salut de notre âme, il est le symbole d'une vérité profonde et un acte d'obéissance non optionnel. Si vous hésitez à vous faire baptiser, écoutez ce que dit Charles Stanley sur ce sujet et, dans les prières, réfléchissez aux réponses néo-testamentaires qu'il vous donnera. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Y a-t-il un commandement que Dieu nous a donné dans la parole et auquel vous désobéissez délibérément? Mes amis, si vous avez été sauvés par la grâce de Dieu et que vous n'êtes pas passés par les eaux du baptême tel que Dieu vous le demande, vous êtes en rébellion contre Dieu. Le baptême n'est pas optionnel. Ce n'est pas une suggestion que vous êtes libre d'accepter ou non. Le Seigneur Jésus nous a commandé de nous faire baptiser, et la jeune Église du Nouveau Testament a pratiqué le baptême. Nous devrions en faire autant aujourd'hui. Le baptême n'est pas optionnel, mais c'est une pratique ordonnée par le Seigneur Jésus. Voici ce que Jésus a dit à ses disciples dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Au moment de son départ, le Seigneur Jésus a expliqué que Dieu lui avait donné toute autorité. Dans l'Église du Nouveau Testament, deux choses étaient importantes. Nous allons lire quelques textes du Nouveau Testament afin de les découvrir. Ces deux choses concernent le baptême. Commençons par lire un extrait du discours que Pierre a prononcé le jour de la Pentecôte. Il se trouve dans le chapitre 2 du livre des Actes. Lisons les versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Autrement dit, si ce que tu dis au sujet de Jésus-Christ et de sa résurrection est vrai, quelle est la prochaine étape? C'est ce que les auditeurs de Pierre demandaient. Nous trouvons la réponse de Pierre au verset suivant, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le texte ne dit pas que le baptême est essentiel au salut de notre âme. Jésus n'a jamais enseigné qu'il fallait se faire baptiser pour être sauvé. Il a plutôt dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, verset 16. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Le baptême n'est jamais présenté comme un rituel auquel nous devons nous soumettre pour être sauvés. Nous nous faisons baptiser parce que nous sommes sauvés, et non dans le but de l'être. Nous observons que Pierre a aussi dit à ses auditeurs, le jour de la naissance de l'Église, qu'ils devaient se repentir. En ce qui concerne le salut, la repentance et la foi sont indissociables. Dans Actes, chapitre 2, verset 41, nous lisons, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Dans le chapitre 8 du livre des Actes, nous rencontrons Philippe. Il est le personnage biblique dont traite l'Écriture à ce point à cause de son rôle important. Lisons les versets 29 à 37 où l'Esprit guide Philippe vers l'eunuque éthiopien. « L'esprit, dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce char. » Philippe accourut, et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. » Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Dans ce passage cité, le prophète Ésaïe parle de Jésus, le Messie, l'homme de douleur. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Verset 35 à 37. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Ils se sont arrêtés à cet endroit et Philippe a baptisé l'eunuque. Au chapitre 10 du livre des Actes, Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille et l'Esprit de Dieu a touché le cœur des auditeurs alors que Pierre a proclamé l'Évangile à la maison de Corneille. L'Esprit s'est manifesté avec puissance et Pierre a accepté de baptiser les personnes présentes. Verset 47. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Au chapitre 16, nous retrouvons Paul et Silas dans la prison de Philippe. Dieu fait trembler la terre et les portes de la prison s'ouvrent. Le geôlier a très peur. Paul et Silas l'empêchent de se suicider. Et le geôlier accourt vers eux. Les détails se trouvent dans Actes chapitre 16, versets 30 à 33. Lisons les versets 30 et 31. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cela ne signifie pas que si le père de famille vient au Seigneur et qu'il est sauvé, le reste de la famille l'est aussi. Cela signifie que si tu es disposé à croire, tu peux être sauvé. Et il en est de même pour les autres membres de la famille qui sont disposés à croire. Les versets 32 et 33. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Toujours dans le livre des Actes, cette fois chapitre 18, versets 7 et 8, Paul doit faire face à de l'opposition tandis qu'il enseigne dans la synagogue. Lisons le texte. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Nous voyons deux éléments importants au sujet de la pratique du baptême dans la jeune Église néo-testamentaire. Le baptême était réservé à ceux qui recevaient le témoignage du Seigneur Jésus, c'est-à-dire à ceux qui croyaient en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection. Seulement ceux qui croyaient ce que la parole dit au sujet du Seigneur Jésus étaient baptisés, et ils étaient baptisés aussitôt qu'ils croyaient. Ils étaient baptisés au moment de leur conversion, et non au moment qui leur convenait le mieux. Il se peut qu'il y ait parfois eu quelques jours entre la conversion et le baptême, mais le baptême n'a jamais beaucoup tardé après la conversion au Seigneur Jésus. Je désire maintenant expliquer les raisons pour lesquelles il faut se faire baptiser. Une seule devrait suffire, mais je vais tout de même en donner quelques-unes. Quelles sont donc les raisons pour lesquelles nous devrions nous faire baptiser? Pourquoi est-ce que les églises ou les assemblées chrétiennes doivent pratiquer le baptême? Premièrement, le Seigneur Jésus l'a ordonné. cela est une raison suffisante en soi. Jésus nous dit d'aller et de faire des disciples, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile et de baptiser ceux qui se convertissent à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a personnellement ordonné le baptême. Tous les chrétiens doivent donc passer par les eaux du baptême après leur naissance spirituelle, après leur salut, leur rédemption, leur justification et leur sanctification. Ces choses se produisent au moment où vous placez votre foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus pour le salut de votre âme. Deuxièmement, le baptême est un témoignage public de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous ne devons pas avoir honte de nous faire baptiser, car la Bible affirme que nous sommes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Parfois, quelqu'un dit que la religion est une affaire privée. En fait, ce n'est pas le cas. Du moment que nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, nous devenons une lumière. Nous n'allumons pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, selon l'Évangile de Matthieu chapitre 5, verset 15. Nous devenons une lumière dans un monde de ténèbres. Comment pouvez-vous garder cela confidentiel ou en faire une affaire privée? Mes amis, aucun verset de la Bible ne justifie de garder notre foi confidentielle ou d'être secrètement chrétien. Jésus s'attend à ce que nous le confessions publiquement. Voici ce qu'il dit dans Marc chapitre 8, verset 38. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » L'apôtre Paul a dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains chapitre 1, verset 16. Nous faisons tous des choses inavouables au cours de notre marche chrétienne, même si nous sommes sauvés. Jésus-Christ aurait raison d'avoir honte de nous appeler chrétiens, mais ce n'est pas le cas. Il nous aime suffisamment pour être mort à la croix à notre place. Après cela, mes amis, me dites-vous que vous êtes trop embarrassés pour vous faire baptiser. Jésus, qui était sans péché, n'avait pas honte de s'identifier à un groupe de pécheurs corrompus, vils et méchants, et de se faire baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Comment pouvez-vous justifier de ne pas vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus? Le baptême est un témoignage public de l'expérience que vous avez vécue avec le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, le baptême a une autre utilité. Il est une représentation visuelle de notre expérience spirituelle. C'est pour cette raison que nous baptisons par immersion, car cette manière de baptiser est la plus adéquate pour illustrer cette expérience. La Bible enseigne que lorsque nous sommes sauvés, nous mourons à notre ancienne vie. Nous sommes crucifiés avec le Seigneur Jésus et ramenés à la vie avec lui. Au moment de notre salut, nous expérimentons une nouvelle naissance. Le baptême est une représentation visuelle de cette expérience. Votre baptême identifie le moment où vous êtes passé d'un état à un autre. Vous étiez mort par vos offenses et vos péchés, et maintenant vous êtes ramené à la vie en Christ Jésus. Lorsque vous passez par les eaux du baptême, vous illustrez le phénomène qui s'est produit dans votre vie. Vous illustrez votre naissance spirituelle en Christ Jésus. Votre ancienne vie de péché, de mort, de rébellion et d'hostilité contre Dieu est terminée. Vous êtes mort à tout cela. Vous avez été enseveli avec le Seigneur Jésus et maintenant vous êtes revenu à la vie et vous marchez selon cette vie spirituelle. Le baptême illustre l'expérience spirituelle que vous avez vécue. De plus, le baptême est une proclamation symbolique du message de l'Évangile. Lisons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ceci est le cœur de l'Évangile. Tout ce qu'il y a d'autre dans les Évangiles trouve son origine dans la crucifixion du Seigneur Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. L'expiation de nos péchés a été accomplie au moyen de la crucifixion. La peine pour tous nos péchés a été exécutée à la croix. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, nos péchés sont pardonnés. Tout ce que la Bible enseigne au sujet de l'expiation, de la croix, tout ce que les sacrifices de l'Ancien Testament symbolisent est résumé dans la crucifixion. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous illustrons l'Évangile par une représentation dramatique. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 41, nous lisons « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Je suis sa possession, même si je ne suis pas baptisé. Mais le baptême proclame que je lui appartiens et que c'est lui qui contrôle désormais ma vie. Je suis une possession à laquelle il tient. Me faire baptiser, c'est proclamer à tous que je lui appartiens. Se faire baptiser, c'est s'identifier personnellement au Seigneur Jésus. Dans Romains chapitre 6, versets 1 à 4, Paul a dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous ne pouvons pas faire cela. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ceci parle de notre union avec le Seigneur Jésus, de notre identification avec lui. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Jésus-Christ a été crucifié il y a 2000 ans. Pendant que Jésus mourait, Dieu a vu tous ceux qui seraient sauvés mourir avec le Seigneur Jésus avec lequel ils étaient identifiés. La Bible dit donc que lorsque le Seigneur Jésus est mort, nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été ensevelis en même temps que lui. Lorsqu'il est revenu à la vie, nous sommes revenus à la vie avec lui. Cette identification à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus est très importante, car c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus a acquis tout ce qu'il nous fallait pour bénéficier d'une marche chrétienne victorieuse. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu » qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Paul s'est identifié à la mort du Seigneur Jésus. « J'ai été crucifié avec Christ. » Il s'est identifié à son ensevelissement. « Demeurez en Christ Jésus. » Il s'est identifié à sa résurrection. « Il nous a ressuscités ensemble. » Tous les croyants sauvés par la grâce de Dieu ont la puissance de la résurrection. Le baptême est une représentation publique et visuelle de votre identification et de votre union avec le Seigneur Jésus. C'est en lui que vous avez les ressources et la puissance pour une marche chrétienne victorieuse. Votre espoir est ancré dans votre union avec le Seigneur Jésus. Parce que vous êtes unis au Seigneur Jésus, vous avez tout pleinement en lui. Dieu dit que lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, il vous a uni à lui, de sorte qu'en Christ Jésus, vous êtes mort au péché. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, vous demeurez dans le Seigneur Jésus et il demeure en vous. Vous êtes ressuscité avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Ressuscité avec le Seigneur Jésus, vous marchez par la puissance de l'Esprit. Refuser de vous faire baptiser, c'est refuser une occasion de proclamer l'Évangile par une représentation visuelle. C'est refuser une occasion de présenter l'Évangile en illustrant votre mort et votre résurrection en Christ Jésus parce que Dieu vous a unis à lui. Refuser de passer par les eaux du baptême, c'est pécher contre Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Finalement, par le baptême, vous déclarez que vous croyez à la résurrection du Seigneur Jésus et au fait que vous ressusciterez un jour. Se faire baptiser, ce n'est pas simplement se faire tremper, mais c'est affirmer que tout comme Jésus est ressuscité, nous ressusciterons aussi et nous marcherons en nouveauté de vie. Chaque fois que quelqu'un sort du baptistère ou de l'eau, nous devrions nous réjouir et louer Dieu à haute voix. En effet, nous déclarons à un monde incrédule, sans espoir, impuissant et souffrant, qu'il y a de la vie après la mort et que tous peuvent avoir cette vie. Elle est donnée gratuitement à ceux qui sont morts au péché en mourant avec le Seigneur Jésus, qui ont été ensevelis avec le Seigneur Jésus et qui sont revenus à la vie avec lui pour marcher en nouveauté de vie. L'Évangile est proclamé chaque fois qu'une personne se fait baptiser. Tant que vous n'oublierez pas Dieu, tant que vous en ferez à votre tête, et tant que vous désobéirez à Dieu en refusant de vous faire baptiser, la puissance de Dieu ne se manifestera pas à travers vous. Deuxièmement, vous ne deviendrez jamais la personne que Dieu veut faire de vous. Votre refus du baptême est une désobéissance délibérée et elle prive le Seigneur Jésus d'une occasion d'illustrer sa relation intime avec vous. Savez-vous que le grand but de Dieu, le but ultime de Dieu, n'est pas de vous éviter l'enfer, mais de développer une relation intime avec vous? Le baptême transmet ce message. Mes amis, je vous dis la vérité parce que je vous aime, parce que je connais les merveilles que Dieu fera dans votre vie si vous marchez dans ses voies et dans la piété. De plus, je sais quelle bénédiction vous perdrez si vous ne lui obéissez pas. Le baptême est une représentation visuelle de notre mort et de notre résurrection en Jésus-Christ. C'est une proclamation de l'Évangile, de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous afin de nous sauver. C'est une proclamation de notre union ou de notre identification avec Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême par immersion est la forme de baptême qu'il convient d'utiliser. Le baptisé est immergé dans l'eau, y compris la tête. L'immersion symbolise la mort du croyant qui est crucifié avec Christ, et sa sortie de l'eau symbolise sa résurrection en Christ Jésus. Notez que cette forme de baptême biblique ne convient pas à un petit enfant. En effet, la Bible enseigne que ce sont les croyants qui doivent se faire baptiser, et cela doit se faire en connaissance de cause. Dans la Bible, nous ne voyons que des baptêmes de croyants adultes. Parce que certaines confessions religieuses ou certaines religions baptisent les enfants, elles préfèrent le baptême par infusion ou le baptême par aspersion. Le baptême par infusion consiste à verser de l'eau sur le baptisé et le baptême par aspersion consiste à asperger le baptisé de quelques gouttes d'eau. Ces deux formes de baptême n'illustrent pas l'Évangile. Elles n'illustrent pas la mort et la résurrection du croyant avec Jésus-Christ. De plus, si le baptisé est un nourrisson, il ne peut certainement pas témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui. Il ne peut pas témoigner d'une naissance spirituelle. Si vous êtes un chrétien qui a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, vous êtes-vous identifié publiquement votre sauveur en passant par les eaux du baptême? Le Seigneur Jésus a ordonné que tous ses disciples soient baptisés. Cependant, si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, il faut le faire avant de vous faire baptiser. C'est bien de se faire baptiser, mais le baptême illustre une vérité spirituelle qui doit être une réalité dans votre vie. Vous devez naître de nouveau avant de vous faire baptiser. Pour naître de nouveau, il faut premièrement reconnaître que nous sommes un pécheur perdu qui est sous la colère de Dieu. Une condamnation éternelle pèse sur nous. Lorsque nous réalisons que nous avons péché contre Dieu et que nous méritons notre condamnation, nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus et l'accepter comme notre sauveur personnel. En mourant sur la croix, Jésus portait sur lui les péchés de tous ceux qui viendraient à lui. Il se substituait à tous ceux qui se repentiraient et qui viendraient à lui pour obtenir le pardon de leurs péchés. Le Seigneur Jésus a donné sa vie en rançon pour la nôtre, afin de nous acquérir un salut éternel, et surtout, afin que nous lui appartenions. Rappelez-vous toujours que Dieu veut notre cœur avant toute chose. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, et si vous désirez sincèrement le faire, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur à tes yeux et que je mérite la condamnation éternelle. Cependant, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix à cause de ton grand amour pour nous. Et tu nous invites maintenant à le recevoir comme sauveur personnel pour obtenir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est ce que je fais. J'invite ton Fils Jésus à venir habiter dans mon cœur par ton Esprit Saint. Et je te cède les commandes de ma vie, sachant que toi seul es suffisamment sage pour la diriger. Donne-moi aussi un cœur qui t'aime, pour développer une relation intime avec toi. Merci de faire ta demeure dans ma vie, de venir habiter en moi par la présence de ton Esprit Saint. C'était le propos de cette émission. Vous êtes-vous déjà fait baptiser, comme Jésus nous l'ordonne dans le Nouveau Testament? Si votre refus entrave votre croissance spirituelle, si vous avez négligé de vous faire baptiser ou si vous hésitez à passer par les eaux du baptême, nous espérons que ce message de Charles Stanley aura vaincu votre résistance et vous aura convaincu. Se faire baptiser est un choix mûrement réfléchi. C'est proclamer au monde que vous êtes enfant de Dieu, que vous reconnaissez qu'il règne dans votre vie. C'est renoncer à votre ancienne vie, mourir à vous, en étant plongé dans l'eau et renaître en revenant à la surface. Suivez l'exemple du Seigneur Jésus, obéissez-lui en vous faisant baptiser le plus tôt possible. Le ministère de Charles Stanley publie un magazine appelé « En contact ». Dans cette publication mensuelle, vous dévorerez des articles sur des sujets pratiques concernant la vie chrétienne. Vous lirez par exemple des articles traitant de la rancune, dans lesquels vous apprendrez comment ne pas la laisser vous détruire, ou vous trouverez des articles qui vous indiqueront comment vaincre la tentation. De plus, chaque édition contient une méditation quotidienne ou même des témoignages de foi chrétiens qui expliquent comment ils se sont convertis ou comment Dieu les a bénis. Si vous désirez recevoir ce magazine mensuel, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aimez les enseignements du Dr Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.